habitué du doudoul. Pasta, pasta, cosy. Un 3, c'est mafiosa. Y'a tout genre de story. Quand ça trahit la cause, je les buzz, I'm sorry. J'suis déter comme un comorien. Dans l'embauche, j'fume l'ivory. Pour ceux qui disent que je vaux rien, on charle le game comme Marlo. Et on filme plus que Pop Marley. J'suis posé avec ma mine vers l'eau. Ici, ça lève même en Harley. Faut pas, sur le fou gros, faut pas, tourner son pote, faut pas. C'est là, c'est pour les vatos qui me lâchent pas, qui se cachent pas, qui crachent pas. Ils sont choqués comme j'suis calme, comme j'suis cool. Des fois j'suis con, j'oublie j'suis qui. Pour vivre tranquille, faut que j'aille loin vers le Kentucky. Tiens ma tchouka, j'vais les faire souquer. Et nique les poupées, t'es un show sur le net, en face t'es tout calme. Tout sort d'une drone comme Bouga. Y'a de la vodka, de la beluga. Ce son là, ça la frappe en tout cas. Elle a les yeux couleur lingo. Aïe, c'est où tu payes. J'fume la moula, j'ai la tête ailleurs. Ça me donnait pas l'air. Un 3 c'est ma ville où tu veux que j'aille. Costa Azur. Si tu te manques ça te vourre. Faut qu'on savoure, qu'on déguste mon amour. Le Marseille c'est comme The Wire. J'ai sorti le phaser. Les petits sont tout en chaleur. Frérot j'suis calé. Golf 8 et j'rode à Cannes. Me sommes dans le vaisseau. Poursuivi par la bataille. RS6 Blanco plaqué suisse. Ça ouvre le hazi à 10h moins 10. Cet été j'suis Buncha vers les gouttes. Un flash de vovo pour être dans le mood. Cet été c'est le fuego, le fuego. Tout le monde est confiné, gros. Déconfiné. Les barbecues, les apéros. On arrive à recours comme un film de boule. Devant l'équipe, moi je fais le signe Joule. C'est quand t'es cool que souvent tu coules. Je connais des voyous, de record la bédoule. Ça fait nos trois fois filtré. Que des jubeurs attitrés. Comme mon mari, monsieur Muson, à prod à deux, on va la saigner. Un petit pet ou un caprice, une canette en guise de cendrier. Vamos à la playa, un petit chapeau de paille. La petite est mucho de mucho caliente. Arrête de faire le stringer bell. C'est soit le business ou la cité. C'est gente por gente, ma cilia por simple. Même l'équipe, il faut n'arrender, n'arrender. Oh oh oh. J'fume la moula, j'ai la tête ailleurs. Oh oh oh. Que mon boucan depuis tout à l'heure. Oh oh oh. A dire qu'avant, ça me donnait pas l'air. Oh oh oh. Un 3, c'est ma ville où tu veux que j'aille. Faut qu'on savoure, qu'on déguste mon amour. Le Marseille c'est